La conception cartésienne de l'inconscient, qui attribue tout acte inconscient au corps, et affirme en revanche que l'esprit est nécessairement conscient de tout ce qu'il fait et de ce qui lui arrive, cette conception a fait l'objet d'importantes critiques dès l'âge classique. Baruch Spinoza, donc philosophe du XVIIe siècle, écrit quelques décennies après Descartes, critique en particulier l'idée que l'esprit aurait une connaissance adéquate, parfaitement claire, de tous ses propres états. En réalité, il s'agit seulement d'une impression que nous avons de percevoir et contrôler ce qui se produit en nous. Mais, nous dit Spinoza, cette impression est trompeuse. Par exemple, lorsque nous prenons une décision, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un acte de volonté, que cet acte de volonté résulte d'un choix conscient et réfléchi, c'est-à-dire libre de toute influence extérieure. Voilà, quand je décide d'aller à tel endroit, que je décide de choisir tel plat, ou peut-être des choix plus profonds, je décide de faire tel choix de carrière, telle inscription à telle formation, etc. Eh bien, en fait, tous ces choix, j'ai l'impression d'agir librement, mais en réalité, la décision que j'ai prise, eh bien, elle est l'effet d'un certain nombre de désirs. Bon, c'est-à-dire, j'ai été attiré par ces choses. Bah, très bien, mais dans ce cas-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous ne contrôlons pas l'orientation de nos désirs. Spinoza nous dit, oui, voilà, nous sommes mus par notre désir. Pour lui, le désir, c'est quoi? C'est la tendance d'un être à vouloir augmenter sa puissance d'agir et de penser. C'est comme ça qu'il conçoit le désir. Il nous dit, ben, ce désir, il va chercher à se fixer sur des choses, sur des objets, parce qu'on a l'impression que ces objets-là vont augmenter notre puissance d'agir et de penser. Voilà, je désire faire tel voyage, je désire faire telle carrière, je désire manger telle chose. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si j'obtiens cet objet, ça va augmenter ma puissance d'être. Voilà. C'est ça, implicitement, ce qu'il y a derrière le désir. Mais en fait, on ne choisit pas pourquoi on s'oriente vers tel ou tel bien. C'est pas vraiment nous qui le décidons. C'est pas un choix libre. Le plus souvent, nous ne savons même pas pourquoi nous avons désiré telle ou telle chose. Nous ignorons les causes qui déterminent l'orientation de nos désirs. Et donc ça, c'est ce qui conduit Spinoza à remettre en cause l'idée de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de déterminer ses actions en l'absence de toute influence extérieure. Et donc Descartes, lui, il défendait cette idée de libre arbitre, il disait, bon, certes, le corps est déterminé, mais l'esprit, lui, est libre. L'esprit, il est indépendant des causes extérieures et l'esprit se détermine librement. Ben Spinoza nous dit, ben non, ça ne marche pas comme ça. Le libre arbitre, c'est en grande partie une illusion. Et c'est ce qu'il explique dans la lettre à Schuller que nous allons lire maintenant. Donc, j'ouvre les guillemets, voici la citation. Une pierre reçoit, d'une cause extérieure qui la pousse, une certaine quantité de mouvement par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Cette permanence de la pierre dans son mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion des causes extérieures. Et ce qui est vrai de la pierre l'est aussi de tout objet singulier, quelle qu'en soit la complexité et quel que soit le nombre de ses possibilités. Tout objet singulier, en effet, est nécessairement déterminé par quelque chose, par quelque cause extérieure à exister et à agir selon une loi précise et déterminée. Donc là, dans ce premier passage, là, il nous décrit le mouvement d'une pierre. Il nous dit, on a une pierre voilà, qui dévale une pente parce qu'elle a reçu une impulsion extérieure, une impulsion externe. Par exemple, on a donné un coup de pied dans la pierre, selon une certaine force, un certain angle, ce qui va la mettre en mouvement, voilà, elle va dévaler la pierre selon un certain angle et une certaine vitesse en fonction de l'angle du coup et de la force qui a été mise pour la mouvoir. Donc ça, c'est bien une force extérieure qui s'est exercée sur elle, qui la met en mouvement, selon des lois précises et déterminées, comme il nous dit. Et ce qui arrive à la pierre, ça arrive pour n'importe quel corps, du monde, pour n'importe quel objet singulier, donc que ce soit une pierre, mais aussi un arbre, un animal, un astre, ou aussi un être humain, en fait. Quelle que soit sa complexité, les corps qui sont présents dans le monde, ils sont déterminés à agir en fonction de causes extérieures. Je reprends la lecture. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, sache et pense qu'elle fait tout l'effort possible pour continuer de se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort, croira être libre et ne persévérer dans son mouvement que par la seule raison qu'elle le désire. Donc là, qu'est-ce que fait Spinoza? Il fait une petite expérience de pensée, il imagine que la pierre qui nous a décrite, qui est en train de dévaler la pente, il imagine que cette pierre, d'un coup, prend conscience d'elle-même, se met à avoir conscience de ce qu'elle est, et elle se met surtout à avoir conscience qu'elle est en mouvement, qu'elle fait un effort, voilà, elle est en train de bouger, donc elle se dit, ah oui, je suis en train de bouger, je dévale la pente. Bah, cette pierre, elle a un peu l'impression qu'elle est elle-même la cause de son mouvement, puisqu'elle est en train de faire tout un effort pour dévaler la pente, elle dit, ah bah oui, là, je travaille bien, je suis en train d'avancer. Donc, elle est consciente du mouvement qu'elle fait. Mais elle n'est pas consciente de la cause de son mouvement. Elle n'est pas consciente du coup de pied qu'on lui a donné. Elle n'est consciente que de l'effet du coup de pied sur elle. Elle n'est consciente que de l'effet des forces qui la mettent en mouvement. Et il nous dit, bah, ça c'est exactement la même chose pour l'être humain. C'est ce qu'il nous dit à la dernière phrase du paragraphe. Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul, que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et si les poltrons vouloir fuir, un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. Donc là, il nous dit, par cette comparaison, que les êtres humains sont comme la pierre, ils sont influencés par des forces extérieures qui s'exercent sur eux. Mais en fait, ils ne sont pas conscients de ces forces. Ils sont conscients seulement de leurs propres actes, de leurs propres gestes. Ils sont conscients de leurs croyances, de leurs désirs, mais ils ne savent pas pourquoi ils le veulent. Mais comme ils sont conscients de leurs actes, de leurs croyances, de leurs désirs, et bien ils ont l'impression d'en être les seuls et uniques auteurs. Donc là, il nous a donné plusieurs exemples. Voilà, le bébé qui pleure, le jeune garçon en colère qui veut se battre ou qui s'enfuit, l'ivrogne qui crie n'importe quoi. Bon, ben, tous ces gens-là, ils ont l'impression d'agir librement, ils ont l'impression d'avoir décidé ce qu'ils étaient en train de faire, mais en fait, nous dit Spinoza, ils ne font que qu'agir en fonction de causes extérieures qui les déterminent à aller dans un certain sens plutôt qu'un autre. Et donc c'est là qu'on voit cette idée d'inconscient. Cette idée d'inconscient, elle souligne qu'en fait, notre conscience n'est finalement qu'assez limitée sur nos propres états. En fait, il y a une grande partie des choses qui nous concernent qui nous échappent. Et ce qui, en même temps, remet en question la conscience elle-même, mais ça remet aussi en question la liberté. Hein, parce qu'on voit bien ici qu'il y a un lien entre conscience et liberté. Si je suis libre, c'est aussi parce que je suis conscient de pouvoir faire tel ou tel choix, je suis conscient de mes propres actes. Mais en retour, si je suis inconscient d'un certain nombre de causes qui déterminent mes actions, eh bien, ça revient bien à montrer que je ne suis pas totalement libre, je ne suis pas aussi libre que je le croyais.